Les bombardiers stratégiques nucléaires américains apparaissent de nouveau dans le ciel de la Corée. À ce propos, le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a répondu le 22 au correspondant de l'Agence de la vie centrale de Corée. En voici le résumé. Le 20 dernier, en Corée du Sud, les bellicistes américains ont effectué le simulacre de bombardement en introduisant deux bombardiers stratégiques nucléaires B1B. En plus, ils déclarent ouvertement qu'ils vont envoyer plus d'une fois par mois ces avions dans la péninsule coréenne. Ce dernier simulacre a dévoilé de nouveau la nature des États-Unis, perturbateur de la paix et de la stabilité de la région et auteur de la course aux armements. La réalité où Washington aggrave sans cesse la situation dans la péninsule coréenne et intensifie de jour en jour la menace et le chantage nucléaire contre notre République prouve nettement la justesse de nos mesures pour le renforcement de la dissuasion nucléaire. Toutes les menaces et tous les chantages nucléaires américains ne pourront jamais nous effrayer. Ils doivent bien savoir que leur pression militaire devient au contraire la force motrice du renforcement de notre capacité nucléaire et de fusées balistiques. Plus les États-Unis s'attachent à l'aventure militaire insensée, plus nous accélérerons à une vitesse sans précédent l'amélioration des armements nucléaires pour ainsi sauvegarder la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, de la région et du reste du monde.